Le rendez-vous d'amitié avec les femmes âgées ont eu lieu le 9 mars à la maison du corps diplomatique d'Aidongan à Pyongyang. Y ont pris part les cadres du comité central de la Fédération coréenne de protection des personnes âgées, les intéressés et les femmes âgées de la ville de Pyongyang. Y étaient invitées les femmes des ambassades de divers pays et des représentations des institutions internationales en Corée. Les orateurs y ont indiqué que grâce à la politique du Parti du Travail de Corée en matière de protection des personnes âgées, les gens du 4e âge participent activement dans les activités sociales, conformément à leurs demandes et leurs capacités, et contribuent à la prospérité du pays et mènent à Sué une vie méritoire. Ensuite, il y a eu la représentation artistique des membres de l'Association coréenne artistique et culturelle des personnes âgées, et des élèves de l'école secondaire de second cycle de Ragon de l'arrondissement de Patonggang. Après la représentation, les participants ont vu les activités de création artistique des femmes âgées.